Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plan, c'est la dernière émission régulière de la saison d'automne ici à C'est Fou. Et on a quand même pas mal de nouveautés cette semaine. On va entendre l'album des Ray Gun Cowboys. Il va aussi y avoir Tagada Jones du côté francophone, mais on commence avec la formation Portée Disparue. Voici un simple de leur album Marche Rapide, ça s'appelle L'Amérique du Port. Et ça commence tout de suite dans le poste d'écoute à C'est Fou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Cette industrie où l'on fabrique des obèses par milliers. Le clown rit de toi, lorsque tu te régales de sa merde déguisée en céréales qui te donne des douleurs abdominales. L'Amérique du port sombre dans l'océan, incapable de supporter le poids de ses habitants. L'Amérique du port incapable de digérer tout ce qu'on lui a fait, tout ce qu'on lui a fait bouffer. T'es toujours angoissé, tu ne peux rien changer. Tu te donnes à cette industrie qui joue dans ton inconscient avec un bistouri. Le roi, c'est de toi qu'il rit lorsqu'il te voit assis sur le trône en train d'évacuer la merde qu'il t'avait avalée. L'Amérique du port sombre dans l'océan, incapable de supporter le poids de ses habitants. L'Amérique du port Formation Portée Disparue avec la pièce L'Amérique du Port de leur premier album Marche Rapide. La date de vente sera annoncée sous peu. En 2004, le groupe Pure Random fut déclaré porté disparu. Depuis ce temps, les recherches s'intensifient d'un bout à l'autre du pays en vain. Par contre, certains éléments retrouvés nous font croire que ces membres sont toujours vivants. Les postes liés vers musique, paroles, vidéo et MySpace. Tout ce qui est en notre pouvoir sera fait pour les retrouver sains et saufs. Nous comptons sur votre collaboration. Si vous avez de plus amples informations, veuillez écrire aux adresses suivantes. C'est ce qu'ils disent sur leur site web portedisparu.com, porté sans l'accent disparu au singulier.com. Ils ont aussi un MySpace au myspace.com/portedisparu. Là-dessus, on apprend que c'est un groupe de Québec avec Jérôme Smith à la voix et la basse, Franck Vincent à la guitare et la voix, Jean-Seb Arsenault à la guitare et Olivier Passy à la batterie. Allez voir le site de l'émission au www.unechance.com si les liens vous échappent. C'était un simple de leur album Marche Rapide qui sera sur nos ondes probablement un jour dans le poste d'écoute. On continue dans le francophone, pourquoi pas, pour l'entendre, le nouvel album de la formation Tagada Jones. Il s'appelle Les Compteurs à Zéro. Et à l'instant même, voici la pièce titre dans le poste d'écoute où on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois, tous ensemble, au 89 FM. C'est fou ça! Je vous parle d'un donneur de leçons, peut-être à tort, peut-être à raison. Comme un père parlerait à son fils, pas comme un prophète à des novices. Certains vont aimer, d'autres détester. Loin de moi l'idée de vous manipuler. Prenez ce que vous voulez ou jetez tout si vous le préférez. Que nous sommes seuls. Je me réveille et ne peux que constater que cette poche est définitivement tournée. J'ouvre le ciel et cherche le haut dans le ciel. Mais je comprends que ça n'est plus vraiment pareil. Que nous sommes seuls. C'est fou dans mon oreille. 89.1 sur le net au cestfou.ca. Sagana Jones, et une fois de trop, c'est bien leur album qui s'appelle Compteur à zéro. Justement, c'est la pièce Désobéir. On a débuté avec la pièce titre Les Compteurs à zéro. Donc, Tagada Jones, après nous avoir dévoilé l'envers du décor et mis le feu aux poudres, Tagada Jones remet Les Compteurs à zéro avec son sixième album, réalisé et mixé par Stéphane Buriez et Nick Jones au studio E-Factory et masterisé par Ted Jensen au Sterling Sound de New York. Allez voir tagadajones.com ou encore myspace.com/tagadajones pour plus d'informations. Sur leur MySpace, ça dit qu'ils vont être en spectacle à Sherbrooke au Théâtre Granada le 28 décembre. Ils vont être le 29 à la Baie, le 30 à Québec même. Et ensuite, ils ont une tournée un petit peu partout dans le monde. Nico au chant et la guitare, Steph à la guitare, Boy à la batterie, Seb à la basse. Ce sont les membres de Tagada Jones. Leur album s'appelle Les Compteurs à zéro, du punk hardcore rock. Voilà pour le côté francophone. Je pense qu'il nous reste un petit peu de francophone pour plus tard, mais je suis pas sûr que je vais faire juste des albums live. On verra tantôt. On va aller entendre du punk anglophone avec la formation Ray Gun Cowboys. Voici Asbestos Rock. Dans le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est fou, ça! le poste d'écoute. I'm right. Catch me this time. Raygun Cowboys avec Dead End Girl, précédé de Devil On My Mind et de Asbestos Rock, ça vient de leur album qui s'appelle aussi Raygun Cowboys. Parlons un petit peu de cette formation sur leur MySpace au myspace.com/Raygun Cowboys. Ça dit que c'est un groupe de rockabilly, psychabilly de Edmonton en Alberta. Leur album est sorti fin septembre. On vient de le recevoir ici à C'est Fou. John Christopherson à la guitare et la voix. Oakland Vallow à la basse et la voix. Derek Thiessen à la batterie et la voix. Nate Connolly au trombone et Four Finger Mike à la trompette. Ils sont en tournée canadienne en ce moment. Ils vont passer par Montréal le 23 janvier à 20h. C'est à l'Esco Griff. Ils vont être à Québec le 24 janvier, le lendemain, à 20h à l'Agité. Voilà donc pour Raygun Cowboy, myspace.com/Raygun Cowboys. Avec un S à la fin. Sinon, passez par le site de l'émission au www.unechance.com. Là-dessus, il y a tous les liens d'émission et la balado-diffusion en MP3 chaque semaine. On passe du côté anglophone pour aller entendre Autobodies avec leur album Rearranger. Tout de suite, voici la pièce titre dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Ah, c'est fou, 89 FM. Your voice is a jar of paint. Your voice is a pool of water. Brush. Your voice is the hallway. And if you see me wandering the alleys, looking for an idea, looking for an opening, looking for the perfect stranger, a rearranger. Sunset slips through a giant landslide. Lips of two tigers, lips of prey. In a small town, in the summertime. If you see me wandering the streetcars, looking for a seat, looking at a paper, looking like a stranger, rearranger. Poste d'écoute. Mixing poison with poison, mixing the sense of mine. Where do I go? 89.1. Le groupe canadien The Guest Bedroom avec Treating Water Blowing Smoke EP. 89.1. On a entendu la pièce Planted suivie de Smoke Screen et de Points of Reference. Ici dans le poste d'écoute. Hurry, la radio complètement folle. C'est ce que je me dis à chaque fois que je l'entends. Je fais comme wow, wow. Hein, c'était fucké ça. Ok, donc Treating Water Blowing Smoke EP, Planted, Smoke Screen, Points of Reference, 3 pièces. En fait, il y en avait 4 sur le CD, donc on a entendu pas mal la majorité de ça. Sur leur MySpace, allons voir. C'est un groupe de Toronto en Ontario. Ils font du freestyle, new wave, regional, Mexican, selon eux. Les membres sont Alan Kelly, Rob Castle, Sandy Faulkner et Tim Smith. TheGuestBedroom.com est leur site web ou MySpace.com/TheGuestBedroom. Hey, qu'est-ce que... Wow! Hey, ça, c'était vraiment la pire intervention au monde. Parce que c'est pas du tout ce qu'on vient d'entendre. Du tout. On a entendu... J'ai donné les bonnes informations sur le groupe, là. Mais c'était pas les bons noms de pièces. D'accord? Suivez-moi. Rearranger, qu'on a entendu. C'était la pièce titre. Ensuite, Disinfected. Et puis, Catwatch. Ça vient de la formation Autopodies. Leur album est Rearranger. Est-ce que c'est clair? Le reste... Non. En tout cas. C'était beau. On fait comme si rien ne s'était passé. Reprenons. Bon, sans blague. C'est fun. Autobodies, Rearranger. On passe à la formation de Guest Bedroom. Eux, leur EP s'appelle Trailing Water, Blowing Smoke. Tout de suite, voici Planted. Pow! Things that are worthy. Breathe, breathe, breathe, deeply. Breathe, breathe. I'm breathing. Strings are loose. poste d'écoute. Don't you? La formation de Wilkins avec Point 79 dans le poste d'écoute. Il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est parlé, je sais pas, 3-4 heures, là, il me semble. Wilkins, leur album s'appelle No Expiry Date. On a entendu une pièce de ça. On va se quitter avec deux autres pièces dans quelques instants. On va entendre Just a... Non, ça va définitivement pas bien aujourd'hui. On a entendu la pièce Easy. On va entendre tantôt Point 79 et Just a Memory. Entre les deux, il y a eu d'autres affaires. Il va falloir aller voir lunechance.com pour tout découvrir parce que c'est un petit peu compliqué. Il y a eu un extrait de The Guest Bedroom avec Planted. Et cette pièce-là a planté dans le lecteur CD. Et puis avant ça, ben, c'était Autobodies. Je vous rappelle d'aller voir le site de l'émission www.lunechance.com pour tout savoir sur ce qui s'est passé depuis les dernières minutes. On se quitte pour la fin de la première heure et tantôt, ben, il va y avoir d'autres musiques, surtout de l'anglophone canadien. Un petit peu de heavy metal. Peut-être vers la fin de l'émission, donc restez avec nous pour ça. Ouais. C'est le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés. En même temps que vous, pour la première fois. Done. my skin. Can't get warm without you near me. Your love is gone, I'm killing time. Bonjour, c'est la deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, vous allez entendre plein de nouvelles affaires que vous n'avez jamais entendues avant. Il va y avoir du Ogre tantôt avec l'album Dimmed. Mais on commence du côté canadien avec la formation Full Turnout. Leur album est Perfect Never Ending. Voici Later dans le Poste d'écoute au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Walking down the hallway, disappointments, and thinking, can't imagine facing up to you, because my scar is more than just an ointment to heal it. I'm hoping for my friends to pull me through, and I see you and the thing that you throw at me opens up my eyes and sets me free. Be missing you for this lifetime, and I won't bend to my fears, 'cause you have everything. keep on walking. I'm looking for some time alone to work this through. And I can't think, cause chatter all around these walls and talking. The word is, you've already found somebody new. And I hear you in the cold, hot in words you say. They gave me strength to leave and pull away. I won't be missing you for this lifetime. And I won't bend to my fears. Cause you have everyone you've ever needed in the room of mirrors. We cling to you every day. We're all your favorite people. Never go away. You won't find me in a corner somewhere crying over you. The truth be told, you make this easy for me. With all you said. C'est fou, 89.1. happening yesterday? What memories have we lost along the way? And I'd do anything to be there with you, standing tightly by your side. But this time I'm going in with eyes held open wide, and I'll do everything you need me to, and you'll be there for me, waiting by our favorite tree, and I'll come to you and make it right, you will see. So don't walk away from me, I'm sorry that I left you there in yesterday. What's going on yesterday? What memories would we change along the way? 'Cause I'd do anything to be there with you. We'll just take a different route. But this time I'll make the changes while it all plays out, and I'll do everything you need me to, and you'll be there for me, waiting by our favorite tree, and I'll come to you and make it right, you will see. So don't walk away from me, I'm sorry that I left you there in yesterday. Mistakes are not the same, 'cause you get to play it over. You learn the moves that turn out right, so jump on board and hold on tight, 'cause I want to play again. Is it my turn? Let's play yesterday. So don't walk away from me, I'm sorry that I left you there in yesterday. Formation Full Turnout avec la pièce In Yesterday, précédée de Tired Eyes et de Later. Ça y est, leur nouvel album Perfect Never Ending. C'est leur premier album à ce groupe de Guelph en Ontario. Ça a commencé en 2006. C'est des pompiers de Guelph qui se sont rassemblés pour jammer sur des chansons. Et leur premier album a été écrit comme ça, et puis ils ont sorti ça, et puis c'est super bon. Moi, j'aime beaucoup. Oui. Allez voir leur site web au fullturnout.com, www.fullturnout.com, ou passez par le site de l'émission au www.unechance.com. On passe à de l'alternative anglophone, donc un groupe qui n'est pas canadien, c'est Ogre, avec leur CD Dimmed, et ça commence à l'instant avec la pièce Shh. C'est juste S-H-H-H. Shh. Donc, fermez-la et écoutez ça, parce que c'est dans vos oreilles. Donc, on s'écoute au 89.fm. La formation Ogre avec leur album Dimmed et la pièce Eye Candy précédée de Shh. On va tout rester là parce qu'on découvre The Magic et Relief Maps dans le post-écoute. Et vous êtes de retour au poste d'écoute, l'émission où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. À l'instant même, on s'en va entendre la formation Relief Maps avec leur album qui s'appelle Graveyard Smash. Voici la pièce titre tout de suite. On découvre toutes les nouveautés ensemble pour la première fois. Que demander de mieux? Un meilleur animateur? Non? My teeth won't rip your flesh. visiter les liens mentionnés dans cette émission et pour contacter Mathieu Plante, visitez le www.unechance.com. De leur album Graveyard Smash. Avant ça, c'était Hair Pulley. On a débuté avec la pièce Graveyard Smash. Relief Maps, moi, j'ai beaucoup aimé. Étrangement, je m'attendais pas tellement à ça en regardant la pochette, mais bon. Indie Post Punk, c'est un groupe de Ottawa en Ontario. Les membres sont Katie, Luke, Dusty, Nick et Kevin. MySpace.com/ReliefMaps est leur site web. C'est un groupe de modern rock combo qui sont reliés par les liens familiaux, d'amitié et de dettes insurmontables, disent-ils. Oui, là, c'est étrange quand même, mais les dettes, comment ça peut rapprocher les gens. Ah oui. Voilà donc pour cette formation qui s'appelle Relief Maps, leur album, encore une fois, Graveyard Smash. On va continuer avec Young James. Non, ce n'est pas James Young, c'est bien Young James, c'est le nom de la formation. Et tout de suite, voici On Your Hands. On passe écoute à CFOU 89.FM, la radio campus de Trois-Rivières. Fly. Le poste d'écoute. Like a chainsaw tearing through town, always found something going down. The diffusing ran out of hell, should have been dead or in a cell. Clean the windows and block the

Inc. Mais c'est avec Bleatis. Et là, je regarde dans le livre de paroles et les paroles sont les suivantes. La la la la la la la la la la la la la la. C'est vraiment écrit dedans. Donc, parlons un petit peu de Excubus et Incubus. Donc, Incubus, commençons par eux. De nos jours, ce nom évoque presque automatiquement un très populaire groupe californien de rock alternatif, dit leur biographie. Pourtant, plusieurs années auparavant, une autre formation musicale a porté le nom de Incubus, une formation québécoise qui existait de 70 à 74 et qui, sans jamais atteindre la renommée de son homonyme américain, s'était alors taillé une place honorable sur la scène du rock progressif au Québec. Bien que le groupe mit fin à ses jours sans jamais avoir lancé de disque, quelques-uns de ses membres ont décidé, 34 ans plus tard, de faire équipe à nouveau afin de réaliser ce rêve inachevé. Bien sûr, comme aujourd'hui, Incubus est associé à une toute autre formation et une toute autre musique, nous avons préféré ne pas reprendre notre appellation originale afin d'éviter toute confusion, tant chez les fans du groupe actuel que chez les personnes qui nous ont connus à l'époque. Nous avons donc opté pour un nom différent, quoique représentatif, Excubus, ainsi que pour une évocation assortie de souvenirs. Bienvenue dans nos mémoires acuciennes. Dans leur livret, il y a une petite histoire là entre janvier 1974 et janvier 2007. On va se quitter pour la fin de la deuxième heure avec une pièce de 2008 qui s'appelle Apple Tree Paradise, ou au moins un extrait de cette pièce-là. Les auditeurs des rediffusions auront la chance d'entendre d'autres pièces parce que les rediffusions ont 20 minutes de contenu additionnel. Cette semaine, il n'y a pas de rediffusion samedi à cause du gros débat électoral. On en parlera un petit peu plus tard, mais on est en rediffusion quand même mercredi à partir de 13h. Les auditeurs de la rediffusion vont entendre Tales of the Tree. Reste avec nous, c'est le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est fou ça! Bonjour, c'est la troisième heure du poste d'écoute, l'émission où on découvre les nouveautés musicales reçues. Assez fou pendant la semaine. Tout ça, on fait ça avec vous parce qu'on vous aime, vous le méritez. Vous le méritez bien, oui. Cette semaine, on a reçu quelque chose d'assez bon. Hein? Tu sais, bon, mais on le connaît, Mononcle Serge, il est sympathique. Hein? Certainement. Donc, on a reçu le nouveau CD de Mononcle Serge et Anonymous qui s'appelle Musique Barbare cette semaine. Et coïncidence incroyable, ils sont en spectacle ce soir à Bavaroise. Ce soir, nous sommes le 5 décembre en direct. Et encore plus de coïncidence que ça, mon collègue et correspondant Alain Lefèvre, oui, a rencontré Carlos Araya. Voici ce que ça a donné. Il lui a demandé comment ça va être le spectacle de ce soir, à quoi on peut s'attendre. Il risque d'avoir une couple d'imprévus à soir. On a dit que c'est notre premier show, là, puis on commence à placer ça, là. Mais ça va être pas mal... En tout cas, drôle, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mm-hmm. Puis, c'est ça. C'est sûr qu'on va jouer pas mal de nouvelles tunes. Et bien sûr, les vieilles tunes de l'album d'Académie du Massacre aussi. Là. Que, ça va être un bon mélange. Mm-hmm. Justement, comment tu situes le nouveau disque par rapport au premier? C'est sûr que comparativement au premier, là, c'est pas mal juste des nouvelles tunes, c'est que c'est pas des reprises en tant que telles, c'est que la direction est quand même plus métal que le premier, vu que les premiers, c'était des chansons qui avaient déjà quand même une genre de soit une structure ou soit une manière un peu plus simple chansonnier. Mais c'est ça, le nouvel album, vous avez spécifiquement composé des pièces. Oui, exactement, c'est toutes des nouvelles tunes. C'est un album, en tout cas, c'est sûr qu'il est beaucoup plus métal que le premier qui avait une sonorité même aussi un peu plus rock là. Est-ce que c'est une grosse tournée pour ce qui est de avec Mononcle Serge? Ben tu vois comme dans le fond nous on a prévu faire pas mal toute l'année 2009 là on commence quelques spectacles mettons d'ici la fin de l'année, mais après ça je te dirais pas mal à partir du mois de février, mais en fait à partir de la France en revenant ici on a quand même une bonne 20-25 shows à peu près au mois d'août à peu près là. Mm-hmm. Fait que ça s'annonce pas mal bien jusqu'à date là. Hey, écoute, je te remercie Carlo, je te dérange pas plus longtemps. Ben, y a pas de problème. Et puis je te souhaite un bon spectacle ce soir. Ben, excellent à la Bavaroise. Je pense que juste nous autres ce soir à la Bavaroise, donc il n'y a pas de première partie. Fait qu'on fait un 2-7 que du Mononcle Serge Anonymous. Donc, deux gros sets. Oh, deux gros sets, puis je pense que ça va être pas mal de fun là. Hey, c'est super ça. Hey, merci. Ben, merci Alain. Salut. Okay, bye bye. J'aurais pu apprendre le violon ou le piano, jouer qu'un pose de beau comme Raphaël Dubois. J'aurais pu prendre des cours de solfège, faire des arpèges, jouer dans l'harmonie du collège. Au début, on pensait que c'était rien que de mauvaise pause. On se disait, faut bien que jeunesse se passe. Mais là, on commence à en avoir notre voyage. La vulgarité, du bruit pis du criage. Dire j'aurais pu être admis au conservatoire, mais il fait de la musique barbare. Il fait de la musique barbare. Pendant que tant de gens qui ont à dire de quoi sont réduits au silence, sont baïonnés, sont sans voix. Lui, qui a une tribune, la gaspille sans scrupule, en faisant étalage de son chaos mental. Il se roule dans la fange, se cantonne dans la frange, toujours plus haineux, débile et criant. Ouais, il fait de la musique barbare. De la musique barbare. Non mais, m'avez-vous vu ce Cro-Magnon? Comme en qualité de musique, ces bruits qui n'ont rien d'artistique. Non mais, m'avez-vous vu ce Cro-Magnon? Ce furon que l'on s'attende au panthéon de la honte. Ouais, que les tons, puis ferme ses goussets. Qu'on lui rabatte, on fait le caquet à lui et ses amis qui font du bruit avec leurs amplis. Qu'on le barre de tous les bords, qu'on l'embarre, qu'on le jette par-dessus bord, qu'on l'expulse hors de nos remparts et qu'on l'abandonne à son sort. Car il fait de la musique barbare. Il fait de la musique barbare. Il fait de la musique barbare. Il fait de la musique barbare. Il fait de la musique barbare. Il fait de la musique barbare. Le poste d'écoute. Les voix jaunies, la grave dégavenée, animée de force et de volonté inouïe. Il s'est élevé à un nouveau niveau, un niveau plus fort, un niveau plus haut. Il a brisé nos chaînes, nous ne sommes plus les mêmes. Libérateur puissant, droit comme un tonnerre assourdissant. Oh le surin, oh le demi-dieu, pour guider le peuple, il donne pour sa place. Il nous flabbergast. Le mec Le mec. Il a écarté les ténèbres fédérales dans lesquelles nous rampions comme un peuple animal. Grâce à lui, avec lui, nous voici meilleurs. L'on a sa force et la confiance des vainqueurs. Il est notre phare dans la nuit. Il est notre point de mire. Écoute comment sa voix court le silence. Ferme tes yeux, ressens sa puissance. Hero is rising. Jazz. Comme le musulman penché vers la Mecque, comme un clin de mort de Jésus Québec. Désormais, nous ne sommes plus à genoux. Désormais, nous sommes maîtres chez nous. Jambes de choc plus grand que les chics. Qu'est-ce que c'est ta personnalité des Big Epoch? Oh le surhomme, oh le demi-dieu. Il est maintenant assis avec Gérard Godin à la même table que Thor et Odin. Prenez le mic. Prenez le mic. Hero is coming. He's coming to you. Mon nom Serge et Anonymous. C'était la pièce Relais l'évêque. Oh oui, exactement, je l'ai dit en même temps. Relais l'évêque, ça vient de leur album Musique barbare. Je rappelle le spectacle qui est ce soir. Et si vous écoutez en direct le vendredi 5 décembre, c'est à la Bavaroise de Nicolet. C'est des, donc on a reçu cette semaine Musique barbare de mon oncle Serge et Anonymous, qui apparemment est extrêmement vulgaire par moment. Donc pour public averti seulement. On reste dans le genre de métal, un peu pas mal jusqu'à la fin de l'émission. On va l'entendre dans quelques minutes. Architect avec Ghost of the Saltwater Machines, mais on commence avec l'album de Dance Club Massacre. Il s'appelle Circle of Death. Voici Risk is My Business and Business is Risky. Dans le poste d'écoute, au 89.fr. Yeah! Le poste d'écoute. Brutality de la formation Dance Club Massacre, précédée de Risk Is My Business and Business Is Risky. Ça vient de leur nouvel album Circle of Death. Un seul commentaire à faire là-dessus, je veux pas manquer de respect, mais comment faites-vous pour écouter ce genre de musique? C'est juste tellement pas mon genre. Metal, Black Metal, Grindcore pour la formation Dance Club Massacre. Allez voir le myspace.com/danceclubmassacre ou danceclubmassacre.com. Les membres sont Nick Seeger à la voix, Mitch Hine à la guitare, Matt Hynek au clavier, John Caruso à la batterie et James Poston à la basse. Je suis épuisé juste à avoir écouté cette musique-là. Mais on continue dans la même veine quand même, parce que c'est là qu'on est. Tu sais, on fait ça, on passe du métal aujourd'hui, apparemment jusqu'à pas mal la fin de l'émission. Donc si vous avez le cœur sensible, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Hein? C'est votre droit, c'est votre choix. On en a pour tous les goûts ici, assez fou. La prochaine formation est Architect avec Ghost of the Saltwater Machines. Tout de suite, voici Camelot in Smithereens dans le poste d'écoute. On découvre toutes les nouveautés musicales ou bruitales, dépendant. Criardes. au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Surtout après avoir entendu ça. Hein? Cette émission est aussi disponible en balado-diffusion sur cfou.ca. C'est tellement des musiques entraînantes. Architect avec l'album Ghost of the Saltwater Machines. Ça, c'était la pièce Uninventing the Wheel. Justement, c'était Camelot in Smithereens. La formation Architect, allez voir metalblade.com ou passez par le site de l'émission. Toujours, tout est là. www.unechance.com. Et là-dessus, il y a aussi la balado-diffusion en MP3 chaque semaine. Il nous reste un petit peu de temps dans l'émission pour entendre encore un peu plus de métal, hein, parce qu'on n'aura jamais assez. C'est Jesus Mullet avec Waiting for the Next Wagon. Tout de suite, voici la pièce Kojak with the Kodak. Wow, ah, ça, j'aime ça, par exemple. Non, attends. Je dois lire d'autres noms de pièces, mais je me gâte un peu. Turn Them Shits Up. Jamie Lee Coitus, comme dans Coitus, oui. Thrash Bandicoot, comme Crash Bandicoot. Shawinigan Handshake, oui. Poignée de main, Shawinigan. C'est beau. Jesus Mullet. Wow. Ça fait penser à Jésus Bench 400 livres. Ah, souvenir, souvenir. Ah! Pulse d'écoute, 89 FM. poste d'écoute. La voilà la fin. Jesus Mullet avec Cash Money de leur album Waiting for the Next Wagon. Justement, c'était Echo Jack with a Kodak, la première pièce de leur album. Allez voir sur punkly.com ou encore passer par le site de l'émission au www.unechance.com pour en apprendre plus sur Jesus Mullet, qui est un groupe de rock, southern rock, metal de Ottawa en Ontario. Jay Chapman, Mark McGee et Andrew Rashad. C'est un groupe qui s'est formé en février 2001. Voilà, du bon rock'n'roll heavy, qu'ils disent sur leur MySpace. Nous, c'est déjà la fin de l'émission de cette semaine et normalement, on ne revient pas sur des erreurs qui ont eu pendant l'émission, mais je vais faire exception cette fois-ci parce qu'on va retourner à un disque qui, précédemment dans l'émission, si vous écoutez en direct, a sauté un peu. C'est celui de The Guest Bedroom. Leur album s'appelle Treading Water Blowing Smoke EP. C'est un maxi de 4 pièces. On va entendre la pièce 3, qui est Points of Reference, et la 4, Stranglehold. On va espérer que le disque fonctionne jusqu'à la fin, cette fois-ci. J'ai déjà parlé pas mal du groupe plus tôt dans l'émission. Je vais vous laisser aller voir sur lunechance.com pour cliquer sur le lien et vous renseigner vous-même sur The Guest Bedroom. On se quitte là-dessus. Les auditeurs du mercredi de la rediffusion, qui commence à 13h ce mercredi-là, vont avoir, comme toujours, 20 minutes de contenu additionnel. Cette semaine, il n'y a pas de rediffusion le samedi parce qu'il y a une grosse journée spéciale politique sur les élections provinciales 2008. Ça commence à partir de 12h15 avec deux épisodes de tête d'affiche et ensuite le débat qu'on a eu ici assez fou présenté par l'AGL Zone Campus. Ça commence donc samedi à 12h15. Soyez là pour ça. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine, toujours les vendredis à 10h. Passez une excellente semaine. Bonne semaine et encore une fois, bonne semaine.